Les délégués à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. Ils se sont rendus également au cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong, ont déposé des gerbes de fleurs avant de s'incliner devant le buste de Kim Jong-soo, héroïne de la guerre anti-japonaise. Ils ont déposé aussi les couronnes et bouquets de fleurs devant l'autel du cimetière et observé un moment de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution. Au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie, ils ont déposé des fleurs sur l'autel au thème « Âme des héros » avant d'observer un moment de silence à la mémoire des héros.